Rhapsodie 21. Et quand les Troyens furent arrivés au gué du fleuve au beau cours, du Xanthos tourbillonnant qu'engendra l'immortel Zeus, le Péléide, partageant leurs phalanges, les rejeta dans la plaine, vers la ville, là où les Achaïens fuyaient la veille, bouleversés par la fureur de l'illustre Hector. Et les uns se précipitaient çà et là dans leur fuite, et pour les arrêter, Héré répandit devant eux une nuée épaisse. Et les autres roulaient dans le fleuve profond, au tourbillon d'argent. Ils y tombaient avec un grand bruit, et les eaux et les rives retentissaient, tandis qu'ils nageaient çà et là en poussant des cris au milieu des tourbillons. De même que des sauterelles volent vers un fleuve, chassées par l'incendie, et que le feu infatigable éclate brusquement avec plus de violence, et qu'elle se jette épouvantée dans l'eau, de même devant Achilleus, le cours retentissant du Xanthos au profond tourbillon s'emplissait confusément de chevaux et d'hommes. Et le divin Achilleus, laissant sa lance sur le bord, appuyé contre un tamaris, et ne gardant que son épée, sauta lui-même dans le fleuve, semblable à un démon, et méditant une œuvre terrible. Il frappait tout autour de lui, et il excitait de l'épée les gémissements des blessés, et le sang rougissait l'eau. De même que les poissons qui fuient un grand dauphin emplissent épouvantés les retraites secrètes des bêtes tranquilles, tandis qu'il dévore tous ceux qu'il saisit, de même les Troyens, à travers le courant impétueux du fleuve, se cachaient sous les rochers. Et quand Achilleus fut là de tuer, il tira du fleuve 12 jeunes hommes vivants qui devaient mourir, en offrande à Patroclos Ménoétiade, et les retirant du fleuve, tremblant comme des faons, il leur lia les mains derrière le dos avec les belles courroies qui retenaient leurs tuniques retroussées. Il les remit à ses compagnons pour être conduits aux nefs creuses. Puis il se rua en avant pour tuer encore. Et il aperçut un fils du Darnanide, Priamos, Lycaon, qui sortait du fleuve. Il l'avait autrefois enlevé dans une marche de nuit, loin du verger de son père, et Lycaon taillait avec les reins tranchants les jeunes branches d'un figuier pour en faire les deux hémicycles d'un char. Et le divin Achilleus survint brusquement pour son malheur, et l'emmenant sur ses nefs, il le vendit à Lemnos bien bâti, et le fils de Gézon l'acheta. Et Ithion d'Imbros, son hôte, l'ayant racheté à grand prix, l'envoya dans la divine Arisbée, d'où il revint en secret dans la demeure paternelle. Et depuis 11 jours, il se réjouissait avec ses amis, étant revenu de Lemnos. Et le 12e, un dieu le rejeta aux mains d'Achilleus, qui devait l'envoyer violemment chez Aïdès. Et dès que le divin Achilleus, aux pieds rapides, l'eut reconnu, qui sortait nu du fleuve, sans casque, sans bouclier et sans lance, car il avait jeté ses armes, étant rompu de fatigue et couvert de sueur, aussitôt le Péléide irrité se dit dans son esprit magnanime : « Ô dieu, certes, voici un grand prodige. Sans doute aussi les Troyens magnanimes que j'ai tués se relèveront des ténèbres noires, puisque celui-ci, que j'avais vendu dans la sainte Lemnos, reparaît, ayant évité la mort. La profondeur de la blanche mer qui engloutit tant de vivants ne l'a point arrêté. Allons, il sentira la pointe de ma lance, et je verrai, et je saurai, s'il s'évadera de même, et si la terre féconde le retiendra, elle qui dompte le brave. » Il pensait ainsi, immobile, et Lycaon vint à lui, tremblant et désirant embrasser ses genoux, car il voulait éviter la mort mauvaise et la caire noire. Et le divin Achilleus leva sa longue lance pour le frapper. Mais Lycaon saisit ses genoux en se courbant, et la lance, avide de mordre la chair, par-dessus son dos, s'enfonça en terre. Et, tenant d'une main la lance aiguë qu'il ne lâchait point, et de l'autre bras, entourant les genoux d'Achilleus, il le supplia par ses paroles ailées. « J'embrasse tes genoux, Achilleus, honore-moi, aie pitié de moi. Je suis ton suppliant, ô race divine. J'ai goûté sous ton toit les dons de Déméter, depuis le jour où tu m'enlevas de nos beaux vergers, pour me vendre loin de mon père et de mes amis, dans la sainte Lemnos, où je te valus le prix de 100 bœufs. Et je fus racheté pour 3 fois autant. Voici le 12e jour, après tant de maux soufferts, que je suis rentré dans Ilios, et de nouveau la moire fatale me remet dans tes mains. Je dois être odieux au père Zeus qui me livre à toi de nouveau. Sans doute, elle m'a enfanté pour peu de jours ma mère Laotoé, fille du vieux Altéus qui commande aux belliqueux les lèges, et qui habite la haute Pédazos, sur les bords du fleuve Sat-Nioïs. Et Priamos posséda Laotoé parmi toutes ses femmes, et elle eut deux fils, et tu les auras tués tous deux. En tête des hommes de pied tu as dompté Polydoron, égal à un dieu, en le perçant de ta lance aiguë. Et voici que le malheur est maintenant sur moi, car je n'éviterai pas tes mains, puisqu'un dieu m'y a jeté. Mais je te le dis, et que mes paroles soient dans ton esprit. Ne me tue point, puisque je ne suis pas le frère utérin de Hector, qui a tué ton compagnon doux et brave. » Et l'illustre fils de Priamos parla ainsi, suppliant, mais il entendit une voix inexorable. « Insensé, ne parle plus jamais du prix de ton affranchissement. Avant le jour suprême de Patroclos, il me plaisait d'épargner les Troyens. J'en ai pris un grand nombre vivants, et je les ai vendus. Maintenant, aucun des Troyens qu'un dieu me jettera dans les mains n'évitera la mort, surtout les fils de Priamos. Ami, meurs, pourquoi gémir en vain ? Patroclos est bien mort, qui valait beaucoup mieux que toi. Regarde, je suis beau et grand, je suis né d'un noble père. Une déesse m'a enfanté. Et cependant la mort et la moire violente me saisiront le matin, le soir ou à midi, et quelqu'un m'arrachera l'âme, soit d'un coup de lance, soit d'une flèche. » Il parla ainsi, et les genoux et le cœur manquèrent au Priamide. Et lâchant la lance, il s'assit, les mains étendues. Et Achilleus, tirant son épée aiguë, le frappa au cou, près de la clavicule, et l'airain entra tout entier, et Lycaon tomba sur la face. Un sang noir jaillit et ruissela par terre, et Achilleus, le saisissant par les pieds, le jeta dans le fleuve et l'insulta en paroles rapides. « Va, reste avec les poissons qui boiront tranquillement le sang de ta blessure. Ta mère ne te déposera point sur le lit funèbre. Mais le Scamandros tourbillonnant t'emportera dans la vaste mer, et quelque poisson, sautant sur l'eau, dévorera la chair blanche de Lycaon dans la noire horreur de l'abîme. Périssez tous, jusqu'à ce que nous renversions la Saint-Ilios. Fuyez, et moi je vous tuerai en vous poursuivant. Il ne vous sauvera point le fleuve au beau cours, au tourbillon d'argent. À qui vous sacrifiez tant de taureaux et tant de chevaux vivants que vous jetez dans ces tourbillons? Mais vous périrez tous d'une mort violente, jusqu'à ce que vous ayez expié le meurtre de Patroclos et le carnage des Achaïens que vous avez tués, moi absent, auprès des nefs rapides. » Il parla ainsi, et le fleuve irrité délibérait dans son esprit comment il réprimerait la fureur du divin Achilleus et repousserait cette calamité loin des Troyens. Et le fils de Péléus, avec sa longue lance, sauta sur Astéropaïos, fils de Pélagon, afin de le tuer. Et le large Axios engendra Pélégon. Il avait été conçu par l'aîné des filles d'Akessaménos, Périboïa, qui s'était uni à ce fleuve au profond tourbillon. Et Achilleus courait sur Astéropaïos, qui, hors du fleuve, l'attendait de lances aux mains. Car le Xanthos, irrité à cause des jeunes hommes qu'Achilleus avait égorgés dans ses eaux, avait inspiré la force et le courage aux Pélégonides. Et quand ils se furent rencontrés, le divin Péléide aux pieds rapides lui parla ainsi. « Qui es-tu parmi les hommes, toi qui oses m'attendre? Ce sont les fils des malheureux qui s'opposent à mon courage. » Et l'illustre fils de Pélégon lui répondit. « Magnanime Péléide, pourquoi demander quelle est ma race? Je viens de la Païnonie, fertile et lointaine, et je commande les Païones aux longues lances. Il y a 11 jours que je suis arrivé dans Ilios. Je descends du large fleuve Axios, qui répand ses eaux limpides sur la terre, et qui engendra l'illustre Pélégon. Et on dit que Pélégon est mon père. Maintenant, divin Achilleus, combattons. » Il parla ainsi, menaçant, et le divin Achilleus leva la lance Péléade, et le héros Astéropaïos, de ses deux mains à la fois, jeta ses deux lances. Et l'une, frappant le bouclier, ne put le rompre, arrêtée par la lame d'or, présent d'un dieu. Et l'autre effleura le coude du bras droit. Le sang noir jaillit, et l'arme, avide de mordre la chair, s'enfonça en terre. Alors Achilleus lança sa pique rapide contre Astéropaïos, voulant le tuer. Mais il le manqua, et la pique de frêne, en frémissant, s'enfonça presque en entier dans le tertre du bord. Et le Péléide, tirant son épée aiguë, se jeta sur Astéropaïos, qui s'efforçait d'arracher du rivage la lance d'Achilleus. Et trois fois, il l'ébranla pour l'arracher, et comme il allait une quatrième fois tenter de rompre la lance de frêne de l'Aïakide, celui-ci lui arracha l'âme, l'ayant frappé dans le ventre, au nombril. et toutes les entrailles s'échappèrent de la plaie, et la nuit couvrit ses yeux. Et Achilleus, jetant sur lui, le dépouilla de ses armes, et dit, triomphant, « Reste là, couché. Il n'était pas aisé pour toi de combattre les enfants du tout-puissant Cronion, bien que tu sois né d'un fleuve au large cours. Et moi, je me glorifie d'être de la race du grand Zeus. Péléus Aïakide, qui commande aux nombreux Myrmidones, m'a engendré. Et Zeus a engendré Aïakos. Autant Zeus est supérieur au fleuve qui se jette impétueusement dans la mer, autant la race de Zeus est supérieure à celle des fleuves. Voici un grand fleuve auprès de toi, qu'il te sauve, s'il peut. Mais il n'est point permis de lutter contre Zeus, Cronion. Le roi Achelloios, lui-même, ne se compare point à Zeus, ni la grande violence du profond Ancaanos, d'où sont issues toute la mer, tous les fleuves, toutes les fontaines et toutes les sources. Mais lui-même redoute la foudre du grand Zeus, l'horrible tonnerre qui prolonge son retentissement dans l'Ouranos. » Il parla ainsi, et arrachant du rivage sa lance d'airain, il le laissa mort sur le sable, et baigné par l'eau noire. Et les anguilles et les poissons l'environnaient, mangeant la graisse de ses reins. Et Achilleus se jeta sur les cavaliers païones qui s'enfuirent le long du fleuve tourbillonnant quand ils virent leur brave chef, dans le rude combat, tué d'un coup d'épée par les mains d'Achilleus. Il les tua Thersilochos, et Midon, et Astypylos, et Mnésos, et Thrasios, et Aïnios, et Orphélestès. Et le rapide Achilleus eût tué beaucoup d'autres païones, si le fleuve au profond tourbillon, irrité et semblable à un homme, ne lui eût dit, du fond d'un tourbillon, « Ô Achilleus, certes tu es très brave, mais tu égorges affreusement les hommes, et les dieux eux-mêmes te viennent en aide. Si le fils de Cronos te livre tous les Troyens pour que tu les détruises, du moins, les chassant hors de mon lit, tue-les dans la plaine. Mes belles eaux sont pleines de cadavres, et je ne puis mener à la mer mon cours divin entravé par les morts, et tu ne cesses de tuer. Arrête, car l'horreur me saisit, ô prince des peuples. » Et Achilleus, au pied rapide, lui répondit, « Je ferai ce que tu veux, divin Scamandros, mais je ne cesserai point d'égorger les Troyens insolents avant de les avoir enfermés dans leur ville et d'avoir trouvé Hector face à face, afin qu'il me tue, ou que je le tue. » Il parla ainsi et se jeta comme un démon sur les Troyens. Et le fleuve au profond tourbillon dit à Apollon, « Hélas, fils de Zeus, toi qui portes l'arc d'argent, tu n'obéis pas au Cronion qui t'avait commandé de venir en aide aux Troyens et de les protéger jusqu'au moment où le crépuscule du soir couvrira de son ombre la terre féconde. » Il parla ainsi, mais Achilleus sauta du rivage au milieu de l'eau et le fleuve se gonfla en bouillonnant. Et, furieux, il roula ses eaux bouleversées, soulevant tous les cadavres dont il était plein et qu'avait fait Achilleus, et les rejetant sur ses bords en mugissant comme un taureau. Mais il sauvait ceux qui vivaient encore, en les cachant parmi ses belles eaux, dans ses tourbillons profonds. Et l'eau tumultueuse et terrible montait autour d'Achilleus en heurtant son bouclier avec fureur, et il chancelait sur ses pieds. Et alors, il saisit des deux mains un grand orme qui, tombant déraciné, en déchirant toute la berge, amassa ses branches épaisses en travers du courant et, couché tout entier, fit un pont sur le fleuve. Et Achilleus, sautant de là, hors du gouffre, s'élança épouvanté dans la plaine. Mais le grand fleuve ne s'arrêta point, il assombrit la cime de ses flots, afin d'éloigner le divin Achilleus du combat et de reculer la chute d'Ilios. Et le Péléide fuyait par bond d'un jet de lance, avec l'impétuosité de l'aigle noir, de l'aigle chasseur, le plus fort et le plus rapide des oiseaux. C'est ainsi qu'il fuyait, et les reins retentissaient horriblement sur sa poitrine. Il se dérobait en courant, mais le fleuve le poursuivait toujours à grand bruit. Quand un fontainier a mené d'une source profonde un cours d'eau à travers les plantations et les jardins, et qu'il a écarté avec sa houe tous les obstacles à l'écoulement, les cailloux roulent avec le flot qui murmure et court sur la pente et devance le fontainier lui-même. C'est ainsi que le fleuve pressait toujours Achilleus, malgré sa rapidité, car les dieux sont plus puissants que les hommes. Et toutes les fois que le divin et rapide Achilleus tentait de s'arrêter, afin de voir si tous les immortels qui habitent le large Ouranos voulaient l'épouvanter, autant de fois l'eau du fleuve divin se déroulait par-dessus ses épaules. Et, triste dans son cœur, il bondissait vers les hauteurs, Mais le Xanthos furieux heurtait obliquement ses genoux et dérobait le fond sous ses pieds. Et le Péléide hurla vers le large Ouranos. « Père Zeus, aucun des dieux ne veut-il me délivrer de ce fleuve, moi, misérable, je subirai ensuite ma destinée. Certes, nul d'entre les Ouraniens n'est plus coupable que ma mère bien-aimée qui m'a menti, disant que je devais périr par les flèches rapides d'Apollon sous les murs des Troyens cuirassés. Plutôt Dieu que Hector, le plus brave des hommes nourris ici, m'eût tué. Un brave au moins eût tué un brave. Et maintenant, voici que ma destinée est de subir une mort honteuse, étouffée dans ce grand fleuve, comme un petit porcher qu'un torrent a noyé, tandis qu'il le traversait par un mauvais temps. » Il parla ainsi, et aussitôt Posidaon et Athénée s'approchèrent de lui sous des formes humaines, et prenant sa main entre leurs mains, ils le rassurèrent. Et Posidaon, qui ébranle la terre, lui dit « Péléide, rassure-toi et cesse de craindre. Nous te venons en aide, Athénée et moi, et Zeus nous approuve. Ta destinée n'est point de mourir dans ce fleuve, et tu le verras bientôt s'apaiser. Mais nous te conseillerons sagement si tu nous obéis. Ne cesse point d'agir de tes mains dans la rude mêlée que tu n'aies renfermé les Troyens dans les illustres murailles d'Ilios, ceux du moins qui t'auront échappé. Puis, ayant arraché l'âme de Hector, retourne vers les nefs, nous te réservons une grande gloire. » Ayant ainsi parlé, ils rejoignirent les immortels, et Achilleus, excité par les paroles des dieux, s'élança dans la plaine où l'eau débordait de tous côtés, soulevant les belles armes des guerriers morts, et les cadavres aussi. Et ses genoux le soutinrent contre le courant impétueux, et le large fleuve ne put le retenir, car Athénée lui avait donné une grande vigueur. Mais le Scamandros n'apaisa point sa fureur, et il s'irrita plus encore contre le Péléide. Et soulevant toute son onde, il appela le Simoïs à grands cris. « Chers frères, brisons tous deux la vigueur de cet homme qui renversera bientôt la grande ville du roi Priamos, car les Troyens ne combattent plus. Viens très promptement à mon aide. Emplis-toi de toute l'eau des sources, enfle tous les torrents, et hausse une grande houle pleine de bruit, de troncs d'arbres et de rochers, afin que nous arrêtions cet homme féroce qui triomphe, et hausse tout ce qu'osent les dieux. Je jure ceci, à quoi lui serviront sa force, sa beauté et ses belles armes, quand tout cela sera couché au fond de mon lit sous la boue? Et lui-même, je l'envelopperai de sables et de limons, et les Achaïens ne pourront recueillir ses eaux, tant je les enfouirai dans la boue. Et la boue sera son sépulcre, et quand les Achaïens voudront l'ensevelir, il n'aura plus besoin de tombeau. » Il parla ainsi, et sur Achilleus, il se rua tout bouillonnant de fureur, plein de bruit, d'écume, de sang et de cadavres. Et l'onde pourprée du fleuve tombé de Zeus se dressa, saisissant le Péléide. Et alors Érée poussa un cri, craignant que le grand fleuve tourbillonnant engloutît Achilleus. Et elle dit aussitôt à son fils bien-aimé, Héphaïstos, « Va, Héphaïstos, mon fils, combat le Xanthos tourbillonnant que nous t'avons donné pour adversaire. Va, allume promptement tes flammes innombrables. Moi, j'exciterai du sein de la mer la violence de Zéphyros et du tempétueux Notos, afin que l'incendie dévore les têtes et les armes des Troyens. Et toi, brûle tous les arbres sur les rives du Xanthos. Embrase-le lui-même, et n'écoute ni ses flatteries, ni ses menaces. Mais déploie toute ta violence jusqu'à ce que je t'avertisse, et alors éteins l'incendie infatigable. » Elle parla ainsi, et Héphaïstos alluma le vaste feu qui d'abord consuma dans la plaine les nombreux cadavres qu'avait fait Achilleus, et toute la plaine fut desséchée, et l'eau divine fut réprimée. De même que Boréas, au jour d'automne, sèche les jardins récemment arrosés et réjouit le jardinier, de même le feu dessécha la plaine et brûla les cadavres. Puis Héphaïstos tourna contre le fleuve sa flamme resplendissante, et les ormes brûlaient, et les saules, et les tamaris, et le lotos brûlait, et le glaïeul, et le cyprès, qui abondaient tous autour du fleuve aux belles eaux. Et les anguilles et les poissons nageaient çà et là, ou plongeaient dans les tourbillons, poursuivis par le souffle du sage Héphaïstos. Et la force même du fleuve fut consumée, et il cria ainsi, « Héphaïstos, aucun des dieux ne peut lutter contre toi. Je ne combattrai point tes feux brûlants. Cesse donc. Le divin Achilleus peut chasser tous les Troyens de leur ville. Pourquoi les secourir, et que me fait leur querelle ?» Il parla ainsi, brûlant, et ses eaux limpides bouillonnaient. De même qu'un vase bout sur un grand feu qui fond la graisse d'un sanglier gras, tandis que la flamme du bois sec l'enveloppe. De même, le beau cours du Xanthos brûlait, et l'eau bouillonnait, ne pouvant plus couler dans son lit, tant le souffle ardent du sage Héphaïstos la dévorait. Alors le Xanthos implora Héré en paroles rapides. « Héré, pourquoi ton fils me tourmente-t-il ainsi ? Je ne suis point certes aussi coupable que les autres dieux qui secourent les Troyens. Je m'arrêterai moi-même si tu ordonnes à ton fils de cesser. Et je jure aussi de ne plus retarder le dernier jour des Troyens, quand même Troie périrait par le feu, quand même les fils belliqueux des Achaïens la consumeraient tout entière. » Et la déesse, errée au bras blanc, l'ayant entendu, dit aussitôt à son fils bien-aimé Héphaïstos, « Héphaïstos, arrête, mon illustre fils. Il ne convient pas qu'un dieu soit tourmenté à cause d'un homme. » Elle parla ainsi, et Héphaïstos éteignit le vaste incendie, et l'eau reprit son beau cours, et la force du Xanthos étant domptée, ils cessèrent le combat. Et bien qu'irrités, Héré les apaisa tous deux. Mais alors, une querelle terrible s'éleva parmi les autres dieux, et leur esprit leur inspira des pensées ennemies. Ils coururent les uns sur les autres, et la terre large rendit un son immense, et au-dessus le grand Ouranos retentit, et Zeus, assis sur l'Olympos, se mit à rire. Et la joie emplit son cœur quand il vit la dissension des dieux, et ils ne retardèrent point le combat. Arès, qui rompt les boucliers, attaqua le premier, Athénée, et il lui dit cette parole outrageante, en brandissant sa lance d'airain. « Mouchachien, pourquoi pousses-tu les dieux au combat ? Tu as une audace insatiable et un esprit toujours violent. Ne te souvient-il plus que tu as excité le Tidéi Diomédès contre moi et que tu as conduit sa lance et déchiré mon beau corps ? Je pense que tu vas expier tous les maux que tu m'as causés. » Il parla ainsi et il frappa l'horrible égide à franges d'or qui ne craint même point la foudre de Zeus. C'est là que le sanglant Arès frappa de sa longue lance la déesse, et celle-ci, reculant, saisit de sa main puissante un rocher noir, âpre, immense, qui gisait dans la plaine, et dont les anciens hommes avaient fait la borne d'un champ. Elle en frappa le terrible Arès à la gorge et rompit ses forces. Il tomba, couvrant de son corps sept arpents, et ses cheveux furent souillés de poussière, et ses armes retentirent sur lui. Et Pallas Athénée rit et l'insulta orgueilleusement en paroles ailées. « Insensé, qui lutte contre moi, ne sais-tu pas que je me glorifie d'être beaucoup plus puissante que toi ? C'est ainsi que les Érinies vengent ta mère qui te punit, dans sa colère, d'avoir abandonné les Achaïens pour secourir les Troyens insolents. » Ayant ainsi parlé, elle détourna ses yeux splendides. Et voici qu'Aphrodité, la fille de Zeus, conduisait par la main, hors de la mêlée, Arès respirant à peine et recueillant ses esprits. Et la déesse errée au bras blanc, l'ayant vue, dit à Athénée ces paroles ailées. « Athénée, fille de Zeus tempétueux, vois-tu cette mouche à chien qui emmène hors de la mêlée, Arès, le fléau des vivants ? Poursuis-la. » Elle parla ainsi, et Athénée, pleine de joie, se jeta sur Aphrodité, et la frappant de sa forte main sur la poitrine, elle fit fléchir ses genoux et son cœur. Arès et Aphrodité restèrent ainsi, étendus tous deux sur la terre féconde, et Athénée les insulta par ses paroles ailées. « Que ne sont-ils ainsi, tous les alliés des Troyens qui combattent les Achaïens cuirassés ? Que n'ont-ils tous l'audace d'Aphrodité qui, bravant ma force, a secouru Arès ? Bientôt, nous cesserions de combattre, après avoir saccagé la haute citadelle d'Ilios. » Elle parla ainsi, et la déesse errée au bras blanc rit. Et le puissant, qui ébranle la terre, dit à Apollon, « Phoïbos, pourquoi restons-nous éloignés l'un de l'autre ? Il ne convient point, quand les autres dieux sont aux mains, que nous retournions sans combat dans l'Ouranos, dans la demeure d'airain de Zeus. Commence, car tu es le plus jeune. Il serait honteux à moi de t'attaquer, puisque je suis l'aîné et que je sais plus de choses. Insensé, as-tu donc un cœur tellement oublieux, et ne te souvient-il plus des maux que nous avons subis à Ilios, quand, seul d'entre les dieux, exilé par Zeus, il fallut servir l'insolent Laomédon pendant une année ? Une récompense nous fut promise, et il nous commandait, et j'entourais d'une haute et belle muraille la ville des Troyens, afin qu'elle fût inexpugnable. Et toi, Phoïbos, tu menais paître, sur les nombreuses cimes de l'Ida couverts de forêts, les bœufs aux pieds tors et aux cornes recourbées. Mais quand les heures charmantes amenèrent le jour de la récompense, Le parjure Laomédon nous la refusa, nous chassant avec outrage. Même il te menaça de te lier les mains et les pieds et de te vendre dans les îles lointaines. Il jura aussi de nous couper les oreilles avec les reins. Et nous partîmes, irrités dans l'âme, à cause de la récompense promise qu'il nous refusait. Est-ce de cela que tu es reconnaissant à son peuple? Et ne devrais-tu pas te joindre à nous pour exterminer ces Troyens parjures, eux, leurs enfants et leurs femmes? Et le royal archer Apollon lui répondit, « Poséidaon qui ébranle la terre, tu me nommerais insensé si je combattais contre toi pour les hommes misérables qui verdissent un jour semblables aux feuilles, et qui mangent les fruits de la terre, et qui se flétrissent et meurent bientôt. Ne combattons point, et laissons-les lutter entre eux. » Il parla ainsi et s'éloigna, ne voulant point, par respect, combattre le frère de son père. Et la vénérable Artémis, sa sœur, chasseresse de bêtes fauves, lui adressa ces paroles injurieuses. « Tu fuis, ô archer, et tu laisses la victoire à Poséidaon. Lâche, pourquoi portes-tu un arc inutile? Je ne t'entendrai plus désormais dans les demeures paternelles te vanter comme auparavant, au milieu des dieux immortels, de combattre Poséidaon à forces égales. » Elle parla ainsi, et l'archer Apollon ne lui répondit pas. Mais la vénérable épouse de Zeus, pleine de colère, insulta de ses paroles injurieuses Artémis qui se réjouit de ses flèches. « Chienne hargneuse, comment oses-tu me tenir tête? Il te sera difficile de me résister, bien que tu lances des flèches et que tu sois comme une lionne pour les femmes que Zeus te permet de tuer à ton gré. Il est plus aisé de percer sur les montagnes les bêtes fauves et les biches sauvages que de lutter contre plus puissant que soi. Mais si tu veux tenter le combat, viens, et tu sauras combien ma force est supérieure à la tienne, bien que tu oses me tenir tête. » Elle parla ainsi, et saisissant d'une main les deux mains d'Artémis, de l'autre, elle lui arracha le carquois des épaules, et elle l'en souffleta en riant. Et comme Artémis s'agitait çà et là, les flèches rapides se répandirent de tous côtés. Et Artémis s'envola, pleurante, comme une colombe qui, loin d'un épervier, se réfugie sous une roche creuse, car sa destinée n'est point de périr. Ainsi, pleurante, elle s'enfuit, abandonnant son arc. Alors le messager, tueur d'Argos, dit à Leto, « Leto, je ne combattrai point contre toi. Il est dangereux d'en venir aux mains avec les épouses de Zeus qui amassent les nuées. Hâte-toi et va te vanter parmi les dieux immortels de m'avoir dompté par ta force. » Il parla ainsi, et Leto, ramassant l'arc et les flèches éparses dans la poussière, et les emportant, suivit sa fille. Et celle-ci parvint à l'Olympos, à la demeure d'Hérin de Zeus, et, pleurante, elle s'assit sur les genoux de son père, et son péplos ambroisien frémissait. Et le père Conéde lui demanda, en souriant doucement, « Chère fille, qui d'entre les dieux t'a maltraité ainsi témérairement, comme si tu avais commis une faute devant tous ?» Et Artémis, à la belle couronne, lui répondit, « Père, c'est ton épouse, errée au bras blanc, qui m'a frappée, elle qui répand sans cesse la dissension parmi les immortels. » Et tandis qu'ils se parlaient ainsi, Phoïbos Apollon descendit dans la sainte Ilios, car il craignait que les Danaïens ne renversassent ces hautes murailles avant le jour fatal. Et les autres dieux éternels retournèrent dans l'Olympos, les uns irrités, les autres triomphants. Ils s'assirent auprès du père qui amasse les nuées. Mais Achilleus bouleversait les Troyens et leurs chevaux aux sabots massifs. De même que la fumée monte d'une ville qui brûle jusque dans le large Ouranos, car la colère des dieux est sur elle et accable de maux tous ses habitants. De même Achilleus accablait les Troyens. Et le vieux Priamos, debout sur une haute tour, reconnut le féroce Achilleus, bouleversant et chassant devant lui les phalanges troyennes qui ne lui résistaient plus. Il descendit de la tour en se lamentant et les dit aux gardes illustres des portes, « Tenez les portes ouvertes tant que les peuples mis en fuite accourront vers la ville. Certes, voici qu'Achilleus les a bouleversés et qu'il approche. Mais dès que les phalanges respireront derrière les murailles, refermez les battants massifs, car je crains que cet homme désastreux se rue dans nos murs. » Il parla ainsi, et ils ouvrirent les portes en retirant les barrières. Ils offrirent le salut aux phalanges. Et Apollon s'élança au-devant des Troyens pour les secourir, et ceux-ci, vers les hautes murailles et la ville, dévorés de soif et couverts de poussière, fuyaient. Et furieux, Achilleus les poursuivait de sa lance, le cœur toujours plein de rage et du désir de la gloire. Alors, sans doute, les fils des Achaïens eussent pris Troie aux portes élevées. Si Phoïbos Apollon n'eût excité le divin Agénor, brave et irréprochable fils d'Anténor. Il lui versa l'audace dans le cœur, et pour le sauver des lourdes mains de la mort, il se tint auprès, appuyé contre un hêtre, et enveloppé d'un épais brouillard. Mais dès qu'Agénor eut reconnu le destructeur de citadelles, Achilleus, il s'arrêta, roulant mille pensées dans son esprit. Il se dit dans son brave cœur en gémissant « Hélas, fuirai-je devant le brave Achilleus comme tout ceci dans leur épouvante? Il me saisira et me tuera comme un lâche que je serai. Mais si les laissant se disperser devant le Péléide Achilleus, je fuyais à travers la plaine d'Ilios jusqu'aux cimes de l'Ida, je m'y cacherais au milieu des taillis épais. Et le soir, après avoir lavé mes sueurs au fleuve, je reviendrais à Ilios. Mais pourquoi mon esprit délibère-t-il ainsi? Il me verra quand je fuirai à travers la plaine, et, me poursuivant de ses pieds rapides, il me saisira. Et alors je n'éviterai plus la mort et l'équerre, car il est bien plus fort que tous les autres hommes. Pourquoi n'irai-je pas à sa rencontre, devant la ville? Sans doute son corps est vulnérable à l'airain aigu, quoique le chroné Zeus lui donne la victoire. » Ayant ainsi parlé, et son brave cœur l'excitant à combattre, il attendit Achilleus. De même qu'une panthère qui, du fond d'une épaisse forêt, bondit au-devant du chasseur, et que les aboiements des chiens ne troublent ni n'épouvantent, et qui, blessé d'un trait ou de l'épée, ou même percé de la lance, ne recule point avant qu'elle ait déchiré son ennemi ou qu'il l'ait tué. De même le fils de l'illustre Anténor, le divin Agénor, ne voulait point reculer avant de combattre Achilleus. Et, tendant son bouclier devant lui et brandissant sa lance, il s'écria « Certes, tu as espéré trop tôt, illustre Achilleus, que tu renverserais aujourd'hui la ville des braves Troyens. Insensé, tu subiras encore bien des maux pour cela. Nous sommes dans Ilios un grand nombre d'hommes courageux qui sauront défendre nos parents bien-aimés, nos femmes et nos enfants. Et c'est ici que tu subiras ta destinée, bien que tu sois un guerrier terrible et plein d'audace. » Il parla ainsi et lança sa pique aiguë d'une main vigoureuse. Il frappa la jambe d'Achilleus, au-dessous du genou, et l'airain résonna contre l'étain récemment forgé de l'Achnémide, qui repoussa le coup, car elle était le présent d'un dieu. Et le Péléide se jeta sur le divin Agénor. Mais Apollon lui refusa la victoire, car il lui enleva l'Anténoride en le couvrant d'un brouillard épais. Il le retira sain et sauf du combat. Puis il détourna par une ruse le Péléide des Troyens, en se tenant devant lui, sous la forme d'Agénor. Il le fuyait, se laissant poursuivre à travers la plaine fertile et le long du Scamandros tourbillonnant, et le devançant à peine pour l'égarer. Et pendant ce temps, les Troyens épouvantés rentraient en foule dans Ilios, qui s'en emplissait. Et ils ne s'arrêtaient point hors de la ville et des murs, pour savoir qui avait péri ou qui fuyait. Mais ils s'engloutissaient ardemment dans Ilios, tous ceux que leurs pieds et leurs genoux avaient sauvés.